faire du rap pour me faire de la fraîche. Cupidon est mort, les petits de la tête ont volé ses flèches. Moi j'ai rien choisi, j'étais rappeur bien avant la crèche. Ma femme pourra se coiffer, en aucun cas j'ai vendu la bêche. Les garçons jouent les idiots, depuis qu'on passe à la radio. Ils croient qu'on a perdu nos couilles, mais vont bientôt faire comme un idiot. Et pourquoi tu ris comme une andouille? Tu vois pas que je pose à l'éco-sanctoire. Le monde rempli d'hypocrites, je sais que tu m'aimes pas, tu me dis prends soin de toi. Ma main gauche ainsi que mon derrière, bah qu'est-ce que je fais? Bah je me nettoie. Les rageux racontent de la merde, bah je pense à vous quand je suis au lait de toi. Chargeur chargé, ne fais plus de commentaires. T'as déjà ragé, tu sais plus comment faire. Indépendant comme un cabine, je passe mes coups de fil de la cabine. Gros sur la tête de mon calibre. Mais comment ça se fait, j'ai des bougs en plus depuis bougs en moins. J'suis broliqué dans la cabine, j'vous emmerde. T'en m'as déjà pas fait qu'une chapine, j'vous emmerde. J'suis à la porte de mon navire, j'vous emmerde. Mais qui a fait ça avec moi? Monsieur Lachant, j'sais pas, j'vais rien dire, j'vous emmerde. J'ai du liquide dans la poche, graines de café sur le torse. Tu peux me croiser en porte, je ne prends pas le bus, ça me fait des entorses. Je n'ai pas d'avenir, m'a dit la prof. Aujourd'hui, son fils veut me faire une toffe. Je n'aime pas ton rap, ton flow est bof. Un cocktail molotov, si elle prépare pas, je paye pas la dote. J'ai encore ma foi, j'ai pas la cote. Je n'ai plus d'amour comme une escorte. Ils ont pas encore payé ma porte. Petit à petit, je commence à perdre l'appétit. C'est comme quand j'étais petit, je l'ai pitié comme Poutine. Loin tous mes ennemis, j'ai encore votre sang sur mes Gucci. Et quand je perçais, tout le monde se vantait. Et quand je vais plonger, qui va me venger? Je me fie de tout et je vis caché comme un étranger. Des pains et du blé, des pains et du blé, comme un boulanger, comme un boulanger. Indépendant comme un cabine. Je passe mes coups de fil de la cabine. Gros sur la tête de mon calibre. Mais comment ça se fait, j'ai des bougs en plus depuis bougs en moins. J'suis broliqué dans la cabine, j'vous emmerde. J'ai pas fait qu'une chapitre, j'vous emmerde. J'suis à la porte de mon navire, j'vous emmerde. Mais qui a fait ça avec moi? Monsieur Lachant, j'sais pas, j'vais rien dire, j'vous emmerde. Charlie.